Est-ce que je peux t'emprunter ton journal, Mitton? Sans problème. Les nouvelles t'intéressent? Ouais, plus ou moins. Je voudrais surtout voir si on parle de nous avec l'histoire du ministère. Voyons. Tes lunettes sont sur ta tête, Hachi. Ah, en effet, je me disais aussi, je croyais que c'était écrit totalement en jap. Alors là, c'est le décès mystérieux de la directrice de l'Académie Basara et du ministre, avec une photo de leur corps sans vie. La suite en page 6. J'ai pas l'impression qu'on parle de nous. Par contre, ils mettent tout sur le dos de Vicious Malfait. Apparemment, ils partagent la cellule d'un certain Dark Schneider. C'est Dracho qui risque de nous mener la vie dure maintenant. Le ministère a assuré qu'il n'y aurait aucun problème de sécurité samedi prochain et continue les préparatifs pour la Coupe du Monde. Encore un peu de thé, monsieur Poa? Hein? Ah ouais, pourquoi pas. Il est devenu bien plus docile depuis que je lui ai sauvé la vie. Ah, tiens, mon petit Hachi. Ça va bien? Eh, c'est l'heure du massage de Monsieur Poa, veuillez vous écarter. Ça ira, Wan. Tiens, je te présente une amie à moi, Yuya Yogurt. Elle est aussi dans la maison Silverhawks. Bonjour. Encore un nom à coucher par terre, mais enchanté. Tiens, c'est normal, tes boucles d'oreilles en forme de cercueil? Ça? Ah oui, je les change en fonction du manga que je lis. En ce moment, c'est Vampire Knight. En tout cas, ça s'y est à ravir avec l'actualité mortuaire. Ah, vous lisez la Gazette de Tokyo? Ça n'est pas vraiment fiable, si vous voulez mon avis. Son père est le directeur du journal Le Rat d'Auteur. Ce ramassis d'idiotie? La dernière fois que je l'ai lu, il racontait qu'Hachi se transformait en singe géant à la pleine lune. Non, c'est plausible. Tu n'as pas l'air dégourdi. C'est toi, Elmiton John? Je t'imaginais plus ouverte d'esprit. Comment? Bon, il est l'heure d'aller en cours. On a quoi comme cours déjà? Construction de méca avec Arid. Mais c'est pas un peu n'importe quoi notre emploi du temps? Pas plus que d'habitude. Et donc je persiste à dire que je trouve Yuya bien plus jeune que nous. Elle est en première année pourtant. Te prends pas le chou avec ça. Oh non, v'là mal fait. Bande d'idiots, te voilà enfin, Pawa. Bah oui, figure-toi qu'entre deux plans maléfiques de ton père, j'essaye d'être un otaku normal. Enfin, aussi normal qu'on puisse l'être. Tu vas regretter de l'avoir mis en prison. Sushi, sashimi, ramenez-vous. Ça suffit avec la musique classe, attaquez-les maintenant. Ces deux-là, c'est Vito Sushi et Garo Sashimi. On n'est pas de taille contre eux, Wan. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous un peu et mettez-vous par deux autour d'un membre du mecha. Ah, Chi, toi, tu vas t'occuper de la tête du robot avec Elmiton. Bah en fait, j'aurais préféré aller avec Wan. Avec Elmiton, j'ai dit, plus vite que ça. Ah, non, d'accord. Bon, bah, moi, je vais travailler sur le pied droit avec Sénil. Il est déjà avec Sordine, il l'a soudoyé avec des gâteaux de riz. Faut dire que c'est un pro en mécanique. Son père a travaillé sur un patte-labor géant quand il était jeune. Je m'en bats les gonades avec un os de sèche, Samus. Tournevis. Je me demande pourquoi Arid a tant voulu que je sois avec toi. Peut-être qu'il voulait t'éloigner de Malfait tout simplement. Passe-moi la clé anglaise, Hachi. Tiens, il mesure combien ce mecha? 4 mètres. C'est une réplique de l'escaflone de Van. Un otaku peut se glisser à l'intérieur pour le piloter. Mais il n'a qu'une autonomie de 2 heures. Deux ou trois réglages, et j'ai terminé. Oh là là, Mitton a presque déjà terminé. En même temps, t'as vu les canons là-bas? Si tu passais moins de temps à reluquer les nanas de 3ème année, on n'en serait pas là. Hé, hey, on me fait pas le coup de la transformation. Oh, zut, trop tard. Oh, Hachi, tu as déjà terminé? Cela mérite bien une récompense. Qu'est-ce que vous me faites encore, là? Oh là là, ça sent l'embrouille. J'ai pensé que ce cours pourrait être l'occasion de donner un prix aux meilleurs élèves. Vous pourriez pas parler plus vite? À ce rythme, on pourrait faire le jeu du Santini. Hein? Ah oui, voici un billet pour chacun de vous pour aller à la Coupe du Monde d'Angelic Killer qui se déroulera en Angleterre. C'est ce week-end, amusez-vous bien. Genre, j'ai gagné un billet le plus honnêtement du monde. Enfin bref, ça va être sympatoche. Trop classe, vous en avez de la chance. Kid, ton père bosse au ministère, il a dû t'avoir des billets aussi, comme moi avant. Qu'il aille en prison! Ah bon? Je savais pas. Ah, maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait des tickets il y a quelques mois. Tu comptais y aller sans moi? Mais pas du tout. Un petit massage? Ton père a dû vendre sa baraque miteuse pour te les acheter. Au moins son père, il ne se nourrit pas de cafards dans une cellule. On t'a pas demandé ton avis, espèce de sale féru de manoir. Oh, alors là, tu vas le payer cher, Malfait. Prends ça. Mon bras. Wan, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est Malfait, il a traité Mitton de manoir quelque chose, là. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, d'ailleurs. Oh, il n'a pas fait ça, quand même. C'est une terrible insulte. Ça veut dire amateur de manga venu de Corée. Et c'est censé être méchant? Vous allez le regretter. Je vais faire virer ce gros lard de l'école. Oh non. Mitton, Hachi, dépêchez-vous. Mon père va nous amener à la finale avec son bateau du ministère. Dori, dori. Ah, mais c'est ce cher Achipoa. Winnie ne nous parle que de toi. Je suis Warthur Tid. Enchanté, monsieur Dan. Un petit rigolo, la rumeur était donc vraie. Et toi, tu dois être Elmington John. Tout à fait. Bien le bonjour, futur beau papa. Allez, papa, on y go. Et retire ce costume de marin. Ah, j'aurais bien aimé rester plus. Jobar était vraiment une bonne école. Je me souviens d'une fois où on a tagué Astro Boy, qui a embrassé goulûment le capitaine Flamme. Wouah, vous avez vu tout ce monde? Hey, salut les gars! Oh man! Salut Samus, ça va, Sourdine? Ouais, ça va être top cool cette finale. Vous saviez que la Jamaïque a gagné la petite finale contre les États-Unis? Y'a des otakus en Jamaïque? C'est dingue ça! Moi je supportais les moines tibétains, ils avaient des joueurs super balèzes! Mais ils ont perdu face au Groenland. Vous me charriez là, j'espère. Allez, bon match les gars! Ati-chan! Gou, toi aussi t'as pu venir! Tiens, voilà notre mini-tempe gonflable. Il paraît que les casse-culs du coin pensent qu'on est des religieux. T'es qui, gamine? Je suis Winnie Tid, et je suis la future femme de Hachi. Tu te crois où, toi? Commence déjà par apprendre la différence entre shonen et shoujo. Tss. Bon, allez Hachi, on se revoit à l'école. Va-t'en, sale sorcière! Bouh, attaque mentale! Calme-toi, Winnie, sinon maman va t'interdire de sortir du dojo. Will! Hey, ça va, petit frère? Il paraît que t'as vu Fleur du Bambou il y a pas longtemps. Je l'ai rencontrée quand on a été récupérer les effets de la directrice de l'école Bazara. Elle avait un max de dettes, celle-là. Pfff! Oui, les huissiers d'Otaku, Hachi. Salut. Hachi? Hachi Powa? Content de faire ta connaissance. Wad et Warge sont arrivés hier, mais Warly et Wersi ne viendront pas. Mais vous êtes combien dans la famille? Voyons, Will, Warly, Wersi, Wed, Warge, Winnie, et Wilmut, Wanze, Wanwan, Wanizuka, Wakashimazu, Wario et Wa. Moi, je veux dire. Donc 13 en tout, mais la plupart bossent à la mine. C'est noté. Enfin, presque. Hé, hey, Powa! Quoi? Encore un, c'est toi la brute? La brute? Le capitaine de l'équipe d'Angelic Killer des Albators. Bon, là, il y a trop de monde dans le coin, je me casse. Ça va, Poa? Garde-moi une place, hein, comme ça je t'expliquerai comment je fonctionne. Ah, j'ai trop hâte d'aller voir ce match! Ok, si ça te fait plaisir. Bande d'attardés! Poa, tu devrais t'amuser quand tu en as encore le temps. Les procédures sont en route et ton gros pote va finir la tête séparée du corps. Tu me cherches, Malfait? Baston à minuit, demain soir en rentrant à Jobar. C'est ça, ouais, je vais te démolir le portrait. En plus, t'es déjà estropié. Je pourrais t'étaler avec qu'un seul petit doigt, à minuit, devant la médiathèque. Mes chers otakus, je vous souhaite la bienvenue à la finale de la 422e Coupe du Monde d'Angelic Killer. Ils en font combien par an? Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, on compte pas moins de 100 000 spectateurs. Le Japon contre la Bulgarie, ça promet. Et voici les mascottes japonaises, les pom-pom girls du lycée Temba. Sauve le monde. Et maintenant, les robots géants de Bulgarie. Incroyable! Des Eva et des Gundam! Ah, les Bulgares en font toujours trop. Les casse-culs vont forcément remarquer des mecs 4 carapètes de haut. Du grand spectacle, c'est sûr. Mais les Japonais, eux, ils ont acheté des armures Firebody pour toute l'équipe. Il y a un truc que je piche pas, on est dans un méga stade, mais les équipes jouent dans une arène minuscule vu que c'est l'esprit qui est transféré dans le corps, j'ai pas raison. En effet, chaque équipe s'assoit à une extrémité du terrain sur des sièges de réalité virtuelle et ils sont reliés à leurs poupées dans une arène en coulisses. Ensuite, des hologrammes géants Kaiba Corp vont retransmettre ces images quasiment instantanément en taille réelle sur le terrain que tu vois là. Je comprends à peu près. Tiens, voilà Yo la brute. Tu peux te mettre ici? Et voilà la délégation japonaise. Les trois Hansbreakers en tête. Janazuki, Ryoma et Jisen et John Micheng. Et ensuite les deux shooters, Kojiro Iyuka et le capitaine Tsubasa Ozora. Voici le keeper, Kenzo Wakabayashi. Et enfin, le speed jumper n'est autre que Kaede Okawa, qui remplace Eche 21 pour cette finale. Les Japonais ont-ils bien fait d'aligner un grand joueur en tant que speed jumper? En tout cas, ils devront affronter les Bulgares, avec Dimitri Polyakov, Henry Castafolt, Jackson Richardson, Elliot Vladimir D, The Geek Exterminator, la charmante Olga Goliat, Konstantin Nimov, et... Mais où est-il? Où est donc le plus grand speed jumper du monde? Là-haut, regardez dans le ciel! Est-ce que c'est un avion? Non, c'est un oiseau! C'est lui! Wingman le Gum! Il a été parachuté dans Evangelion! Moi aussi je peux le faire, hein. J'ai déjà expérimenté pendant l'été. Hello Hitler! Merci d'être venu! Je vais dédier ma performance à la sublime et brillante Hamilton John! Big up! Il a dit mon nom! Hamilton, ça va? Mais quel vantard celui-là! Les joueurs regagnent leur place pendant que l'arbitre Takeshi Kitano entre sur le terrain. Alors, comment ça marche exactement? Il serait peut-être temps qu'on m'explique. Et ben en fait, c'est un mix de plusieurs sports. Les Unbreakers, qui se renvoient la balle, qu'on surnomme affectueusement le boulard à la main. Cette balle blanche là. Ouais, tu peux dire boire normalement, lui il se la raconte. Donc, il tente de briser la défense de l'équipe adverse pour marquer un but, qui équivaut à un point. Commande quoi. Voilà, si ce n'est que le but est un peu plus grand et que la défense peut utiliser le haut de son corps pour les repousser. C'est pour ça que parfois on a des armoires à glace qui jouent le poste de handbreaker. Toujours est-il que le but est gardé par le keeper, parce que ça fait plus classe en anglais quoi. Gardien, ça sonne mal. Ensuite, les shooters. Comme leur nom l'indique, ils utilisent simplement leurs pieds pour frapper dans les deux plus grosses balles rouges. Ça s'appelle des coquards. Comme au foot en somme. Plus ou moins, mais le but c'est pas de marquer, mais d'entraver les handbreakers ou les keepers, en leur tirant dessus. Et tu vois les 10 cercles au bord du terrain là? Des... quoi? Ces trous là? Et ben ce sont des éjecteurs. Quand on lance un coquard dedans, il ressort d'un autre éjecteur au hasard et le double de puissance. C'est assez aléatoire, mais les meilleurs joueurs savent à quel moment utiliser tous les éjecteurs pour un maximum d'effet de surprise sur l'équipe adverse. Et enfin le speed jumper. Toi! Ah oui, c'est le poste de Loukoum. Exact. C'est bon les Loukoum. Hein? Oui. Je vais finir si tu me permets, hein? Parce que là ça va bientôt commencer. Alors, les speedjumpers ont plusieurs casquettes. Ils doivent se battre tous les deux avec des armes blanches, en général des sabres. Mais ça dépend des joueurs. Si un joueur tombe à terre, un éjecteur au hasard lance une dernière grosse balle dorée, le Kintama. Et enfin, si un des deux y arrive, il doit marquer un panier qui est suspendu par des câbles en plein milieu du terrain. Comme au basket. C'est ça. Sauf qu'à ce moment-là, tous les membres des équipes ont le droit d'entraver ou d'aider le possesseur du Kintama. S'il réussit à mettre le panier, le match s'arrête et l'équipe gagne 15 points supplémentaires. J'ai rien pigé. C'est maintenant que tu me le dis? Après tout mon speech? Bah, j'ai compris que c'était super réfléchi, mais bon, j'attends de voir ça. Ça va commencer. Ah ça y est, t'es réveillé toi? Yeah! Allez le Japon! Allez Wingman! C'est pas contradictoire, Wingman, des Bulgares. On s'en fout! Et ça y est, les joueurs sont connectés, les hologrammes sont activés. Que le match commence! T'as vu Hachi, c'était excellent quand Loukoum a mis le slam dunk. Oui, mais le Japon a quand même gagné! T'as vu le tir du tic de Hyuka qui a éjecté tous les Handbreakers Bulgares? Mais comment on s'est retrouvés dans notre temple? Je me souviens d'à peu près tout jusqu'au début du match, bon peu importe. Eh ben, les Japonais en font du bruit, c'est certains qui ramenaient enfin la coupe dans le berceau des otaku, ça doit leur faire plaisir. Non, ce ne sont pas des Japonais, sortez tous du temple! Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une fête déguisée? Un concours de cosplay plutôt? Non, regardez mieux, c'est terrible! De quoi? Wade, Wash, occupez-vous de Winnie, on se retrouve au port dans 15 minutes! Mais on a trop peur! Taisez-vous un peu, t'inquiète pas, j'irai avec le papa. Va aider le ministère. One, Hachi, venez! Ah, c'est quoi ces cosplays? C'est horrible! Spider-Man, Superman, Hulk, Flash, Iron Man et j'en passe. Pourquoi ces types déguisés brûlent tout sur leur passage? Ce sont des Hellboys, des partisans de tu sais pas qui! Celui qui m'a implanté une puce dans la tête, c'est ça? Oui, et c'est comme ça qu'ils tuaient les nôtres il y a plus de 10 ans! Ils utilisaient ce que les otaku ont en horreur! Les comics! Mais c'est complètement débile, qui pourrait avoir peur de... Tiens, au secours, barrons-nous d'ici! Bon, ok. Eh mais attendez, regardez, il y a un faisceau là. Mais c'est la marque de Batman. Tu sais pas qui la faisait apparaître au moment où il tuait quelqu'un? Mais dépêche-toi, Hachi, allons-en! Hé, hey, Hachi, c'est bien ce soir que tu vas affronter Dracho? Surtout ne fais pas ça, Hachi! Tu risques de graves ennuis! Ratez-toi, tais-toi! Tu vois pas que tu nous prends le chou? Tu ferais mieux d'aller réviser, c'est encore les seuls moments paisibles qu'on puisse avoir! Hachi, Wan, je voulais justement vous parler. L'affaire de Malfait est parvenue aux oreilles du ministère. Bien que son père soit en prison, sa mère, Abyssa Malfait, a aussi des relations plutôt haut placées. Quoi qu'il en soit, j'étais dans le bureau de Dom Banawa et je suis contraint de démissionner. C'est terrible! Et qui va nourrir votre chien croque-mou? C'est pas vraiment le souci, Wan. Ah, Dom Banawa m'a aussi demandé si tu pouvais aller le voir ce soir à 10h. Vraiment? Bon, ok, j'irai. Tout ça, c'est bien triste. En plus, la presse ne parle que de l'incident avec la marque de Batman à la Coupe du Monde d'Angelic Killer. Heureusement, ce soir, c'est fiesta! Ah ouais, c'est la fête du feu! Un événement légendaire pour les otaku que nous sommes. On va bien se goinfrer! Il paraît qu'ils auront une annonce spéciale. Classe! Allez, on sort les costards et c'est parti! Bienvenue à tous pour cette fabuleuse fête du feu. La décoration est en rapport direct avec le thème. C'est aussi l'occasion pour moi d'annoncer, avant le banquet autour du grand feu, avec un bar de baïonnés, annoncer la venue à Jobar d'un fantastique tournoi. Où elle est, Mitten? Elle va rater toute la fête. Ben, je l'ai pas revue depuis qu'on l'a insultée. Dans un mois aura lieu à l'école l'examen des Hunters. Cet événement sera partagé avec les élèves de l'Académie Bassara et l'Institut Berserk. Chaque élève pourra y participer. Le ou les gagnants recevront une licence officielle de Hunter qui permet de vivre dans le luxe et l'alcool pour au moins 7 générations. Excellent, j'ai trop hâte. Et maintenant, à la bouffe. Bande de losers. Pawa, dis mon nom pour voir. Dégage, et laisse-moi manger. À minuit, Pawa, minuit. C'est Cyclope, dans le temple du taureau. Un Cyclope? Mais ça n'existe pas. Mais non, le professeur Figel parle de Cyclope, un X-Men. Yeah, elle va essayer de s'infiltrer dans Jobar. Bouclez-la! Les senpai, ramenez les élèves de vos maisons respectives à leurs maisons respectives. Allez les albators, tout le monde en rang. Hachi, Mitten n'est pas au courant pour le Hellboy. D'après les filles, elle serait allée dans les toilettes du temple du taureau. Ah zut. Et... Ah oui, allons la sauver maintenant. Ah bah quand même. Oh non. Wolverine la tient en otage. Mais c'était pas censé être Cyclope? Ne vous approchez pas, ou je lui tranche la gorge. Fais pas ça, le poilu. Et là, c'est pas mes vrais poils, c'est un cosplay. Alors j'ai le droit à un minimum de respect vu le nombre d'heures que ça m'a pris à le faire. Bien joué, Juan, le coup du savon liquide dans les yeux. Sans ta diversion, ça n'aurait jamais marché. Excellent, Mitten. Oh, what? Kid? John? Qu'est-ce que... Professeur Madame Ingle, professeur Snap. On a défoncé un Hellboy à nous tout seuls. Ça vaut bien une médaille pour service rendu à l'école, ça, non? Il n'existe rien de tel dans cette école. Cependant, je pense qu'une armure de combat pour Angelic Steeler ne serait pas de refus, n'est-ce pas, Pawa? Par contre, les deux autres, vous pouvez vous gratter. Oh, ouais. Toujours est-il que c'est stupéfiant ce que vous avez... Vous avez quoi au pied, professeur? Ça ne vous regarde pas, Pawa. Je crois savoir que vous avez rendez-vous avec le professeur Dunbanawa. Dégarpissez! Professeur. Professeur. Hachi. Vous vouliez me voir? Ah oui. À la base, je voulais qu'on échange nos cartes de mangaka célèbres des paquets de chocotambouille. Mais au vu des récents événements... voilà. Je dois te prévenir que l'école n'est plus en sécurité. Même sur cette île. J'avais remarqué. Il y a quelques années, j'avais formé un groupe d'otaku qui a combattu vaillamment l'oppression des Hellboy. Les partisans de celui qui se faisait appeler... celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Ah, vraiment? Mais c'est quoi, en vrai, son nom? Warude Morute. Et tu sais comment j'avais appelé notre union? Pas vraiment, et ça m'intéresse pas. L'Ordre de Phénix! C'était mon personnage préféré dans Senseiya. Et ça tombait plutôt bien vu que Jobar reproduit à l'identique le sanctuaire des chevaliers de... Oui, je sais. Allez, j'ai un truc sur le feu qui sonne à la porte. Bonne nuit, Hachi. Moi, je vais encore m'entraîner sur le karaoké de Shugokara. Bon, où est-ce qu'il est, cet idiot de malfait, que je lui fasse sa malfaite? Un élève hors de son dortoir. C'était un piège. Ah, il m'a eu. Mince, Vanistouf. Technique apprise à force d'observation, le tir de l'aigle. Rusargué doit pas être loin. Cassos. Qui crie dans les couloirs à cette heure-ci? Si je l'attrape, je vais être obligée d'être très très vilain avec lui. Oui, vilain. Bonjour à tous mes amis, nous sommes en direct du stade Ninkatsu pour la rencontre entre Cobra et Albator. Je m'appelle Yuya Yogurt et je commenterai le match pour ces 200 000 spectateurs. Oh regardez les jolis cerfs-volants, ce doit être le club de l'école qui s'entraîne. J'adore les cerfs-volants, c'est si merveilleux. Oh avant que j'oublie, nous accueillons le groupe Green Leaves en attendant que les joueurs se préparent. Ah, j'adore toujours autant cette sensation. Et quand j'y pense, j'aime pas grand chose d'autre dans la vie. Bref, ce plexus 2000 est vraiment super pratique. Ah, Poa, tu te souviens qu'il faut mettre à terre son adversaire avant de pouvoir mettre le panier, hein? Fais gaffe, paraît que les cobras ont aussi un nouveau speed jumper. Ah bon? Qui ça? Bande de nulards. Et oui, c'est encore moi. Et en plus, j'ai même plus mal au bras. En fait, tu as apprécié ta balade nocturne? Je vais te rabattre ton caquet, blondinet. Hachi. Dracho. C'est donc toi, Hachi Powa? T'es qui, toi? Mark Landers, le capitaine des Cobras. Tu connais déjà Dracho Malfait. Il a payé notre tout nouvel équipement. Oh mince, ils ont tous des plexus de Milan. On va morfler. Alors c'est toi, le fameux Yo la Brute? On se connaît déjà, Baka. Par contre, regarde qui est notre entraîneur, Roberto, un Brésilien. C'est donc lui, Roberto Ongo, le fête sacré du Brésil? Lui-même, mais regarde qui est dans les tribunes. Le coach de l'équipe du Japon, le White Air Devil. C'est donc lui, le fameux démon? Bon, vous me gavez là, vivement que ça commence. Merci à ces messieurs, vous pourrez les revoir un jour, peut-être. Ah, voilà Madame Bidoche qui va siffler le début du match. Elle est très gentille, je l'aime beaucoup. Ah oui, et les équipes. Où ai-je rangé ma fiche? Ah, pour Cobra, Landers, Harper, Biggs, Wedge, Sushi, Sashimi et Malfait. Pour Albator, La Brute, Babybel, Spanet, Sauvageon, Tid et Tid, et enfin Powa. J'espère que vous avez bien retenu, parce que moi j'oublie déjà où j'ai mis mes chaussures. C'est parti! Albator engage avec Spanet qui passe à Sauvageon, intercepté par Harper. Les Cobras s'élancent avec leur formation de l'aigle. Harper passe à... Je me rappelle plus du nom. En tout cas, Tid envoie un cocard en pleine figure. À moins que ce ne soit l'autre Tid. Wedge Worge. Je le connais bien d'ailleurs. Il s'habite en face de chez moi. Oh, et Albator marque 1-0. Te voilà, Powa. Prépare-toi à dérouiller. Attends, je regarde le match. Ah mais attends, je joue dedans au fait. Tu te moques encore de moi? Je vengerai mon père. Tiens, technique dig, vent divin obscur. Il est bien plus puissant qu'avant. En même temps, si je m'étais entraîné comme tout bon personnage de Shonan, il faudrait que je retrouve cette vitalité que j'avais pendant mon premier combat. Je ne t'en laisserai pas le temps. Kendo, Shandu. Et donc là, si je calcule bien, ça fait 2-0 pour les Albator. Le Boire n'a laissé aucune chance à Biggs. Oh, mais Powa est à terre, c'est dommage. Relève-toi, Hachi. Le Kintama est lancé dans le terrain. Dracho Malfait de Cobra tente de le récupérer. Oui, il l'a attrapé. Les joueurs s'en prennent à lui maintenant et Hachi est toujours à terre. Les jumeaux Tid utilisent leur technique favorite, le Skylab. Wed prend appui sur les pieds de Worge et s'élance dans les airs. Le temps se comprend. S'il fait une tête dans un cocard qu'il envoie sur Malfait, qui tombe directement dans ses bijoux de famille. Ça doit faire mal, mais en même temps, je suis une fille. Et le Kintama disparaît à nouveau. Powa s'est relevé. Ouais, merci vous deux. Dire que je croyais que vous étiez des lopettes. Ah, j'ai mal à ma tête. Ouais, un acte théorique, on va dire. Allez, Malfait, relève-toi. Ah, encore cette douleur dans ma tête. One, regarde. Hachi est tombé sur le terrain. Oui, c'est comme lors de notre premier jour. Ça puce électronique. Snap s'est connecté au terrain. Et Kijel aussi. J'ai entendu dire que certaines personnes pouvaient hacker le Haka. Comme les mecs au rugby. Haka, One, Angelic Killer. Ah. Il est possédé. J'ai pas dit mon dernier mot. Je possède une arme encore plus puissante, la lame fusion. Elle va absorber ton énergie et ton petit ami ne sera pas assez résistant. Technique ultime, calibre 36. Oh, regardez ce papillon. Ah, il est beau. Oh, tiens, Malfait est encore au sol. Bah, il est pas très doué. Hein? Hey, mais c'est quoi ce boxon là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Kintama a été lâché vite. Je cours, mais le terrain est trop long et maintenant il est au bord. Garo Sashimi envoie un cocard dans un éjecteur qui manque de peu mon ami Hachi Powa. Pendant ce temps, Mark Lander s'est emparé du bois qu'il n'hésite pas à lancer sur lui alors que c'est interdit. Pas gentil qu'il est. Bouh, Powa, le Kintama. Il s'élance vers le panier, mais deux cobras lui maintiennent la jambe. Yeah. Il marque avec son visage. Bravo, Albator gagne par 18-2. Aïe, ça fait pas du bien. Oh, des bleu-gorilles. Que viennent faire les terribles gardiens de la prison d'Impeldon à Jova? Mon père m'a raconté un jour qu'ils étaient contrôlés par vous savez pas qui en personne. Belle barre! Quelqu'un vient de faire sortir un loup d'un tube! Fais fuir ces trucs là, les blueberries. Ce type doit pratiquer la magie! Mais qui est-ce? Moi? On m'appelle Arsène Lupin, votre nouveau professeur en remplacement de Harid. C'est donc lui, le fameux Lupin!